Eh papa, faut pas être triste, Jésus-Christ est au contrôle. Merci ma chérie. Il fait toutes choses en son temps et il le fait toujours pour notre bien. Je t'aime Neftali. Je t'aime aussi papa. Il fait toutes choses en son temps et il le fait selon son plan. On ne peut que lui rendre grâce en chaque circonstance. Il fait toutes choses en son temps et il le fait selon son plan. On ne peut que lui rendre grâce en chaque circonstance. Et je chante, alléluia, il est mon Seigneur, et je chante, alléluia, il est notre Sauveur. Chantons tous, alléluia, il fait toutes choses en son temps. Chantons tous, alléluia, selon sa volonté. Même si je manque un abri, de quoi manger, de quoi me vêtir, je me mets à genoux, je lève mes mains, je le loue. Même si je manque un abri, de quoi manger, de quoi me vêtir. Et je chante, alléluia, il est mon Seigneur. Et je chante, alléluia, il est mon Sauveur. Et je chante, alléluia, il fait toutes choses en son temps. Et je chante, alléluia, oh, et selon sa volonté. Il m'a dit de chercher premièrement son royaume, et le reste me sera donné par-dessus. Pour accomplir ma joie, il me donne au-delà de ce que je lui demande, car il est mon Seigneur. De la paix et de la gloire, je te servirai. Malheur ou bonheur, je te servirai. Plus rien ne pourrait m'éloigner de toi. De la paix et de la cœur, je te servirai. Malheur ou bonheur, je te servirai. Plus rien ne pourrait m'éloigner de toi. Sa volonté.